sentence tombe, un ref et repart. L'amour tue ma neutralité. Les feuilles tombent et meurent sur le trottoir. L'automne reviendra tuer l'été. Je suis le S-God, The 19 vient me faire. J'attends le merci pour l'ascenseur. Quand les mensonges ont l'air sincères, je monte à pied comme la vérité. On sait mon skit, sa mère est stable. Moi j'ai pas grandi sur un pied. Les parents qui ont jamais l'air heureux, je crois que c'est ce qui m'a rendu nerveux. Des fois j'insiste, c'est pour ton bien. Si tu m'écoutes pas, nique ta grand-mère. Reviens pas demander des conseils quand tu décides de te réveiller. Les années passent, nos vies défilent comme un diapo. J'aime pas laisser car si je m'y mets, je vais pas réussir comme je le devrais. J'ai des rêves sur qui je peux compter. J'ai pas honte de dire quand j'ai tort. J'ai pas honte de dire qu'elle comptait. J'ai pas honte de dire que je mentais. Hein? Hein? Oh, j'ai fait des trucs insensés. Tu sais ce qui s'ensuit, pas d'humeur à danser. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. Fais des trucs insensés juste pour qu'on s'en sorte. Je voulais qu'on avance. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. Y'en a qui ont changé de route, y'en a qui ont fait banqueroute, mais qu'ils ont tout perdu. Je te pardonne pas, j'suis pas le bon Dieu. T'es arrogant et prétentieux. J'fais des heureux et des envieux, mec. Ouais. On apprend de la vie sur le tas. On tombe plein de fois jusqu'à celle où on se relève pas. J'ai tellement de trucs à faire, mon vieux, qu'une seule suffirait pas. J'crains pas la route, j'crains pas les bleus, j'crains pas mes doutes. Je laisse un peu de santé à chaque titre. À peine sorti, ils veulent la suite. J'suis fait pour ça ou pour autre chose. L'avenir dira la méchanceté qu'il y a sur le web. La violence et le sang dans ma rue. Le manque d'oseille qu'il y a dans nos wesh. Y'a que pour la merde qu'on fait la une. J'ai fait des trucs insensés. J'ai pas honte de devenir adulte, ouais. Et tu sais ce qui s'ensuit, pas d'humeur à danser. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. J'ai fait des trucs insensés juste pour qu'on s'en sorte. J'voulais qu'on avance. J'suis né dans l'incendie. Tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. J'ai fait des trucs insensés, tu sais ce qui s'ensuit, pas d'humeur à danser. J'suis né dans l'incendie, tu sais ce qui s'ensuit dans les zones à danger. J'ai fait des trucs insensés, juste pour qu'on s'en sorte. J'voulais qu'on avance.